Merci Mathieu et à demain. A commencé par un petit panneau en construction ou presque, avec le tout premier World Wide Web. L'internet s'ouvrait à la connaissance, une connaissance statique, univoque, du contenu hypertexte simple vers l'utilisateur. C'était l'ère du web consultatif assez rigide. Puis vint l'an 2000 et le web devint participatif, d'abord avec les blogs, puis avec les réseaux dits sociaux. On ne se contentait plus de surfer, mais nous nous sommes mis à partager, à éditer, à échanger publiquement. Et aujourd'hui alors ? Eh bien aujourd'hui, l'heure est à la sémantique et à la décentralisation. Blockchain, crypto-monnaie, jetons non fongibles, bienvenue dans le web 3.0. Web et 1 et 2 et 3.0, c'est le programme sémantique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. On n'est pas très fiers de ce titre, mais en même temps, voilà, il est dit. Pour discuter donc des bienfaits, mais aussi des failles, ou tout simplement de la réalité, finalement, de ce Web 3.0, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Bayard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif et cofondateur de la Quadrature du Net, et nous sommes en ligne avec Xavier Lavessière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur indépendant, spécialiste des crypto-monnaies et des questions de régulation, cofondateur de l'ECAN. Mais on commence par l'actualité scientifique garantie totalement non fongible. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications et la découverte de nouvelles causes génétiques de l'infertilité masculine. On estime que 7% des hommes seraient touchés par des problèmes d'infertilité. Et dans les couples hétérosexuels, ces problèmes seraient dus à l'homme dans 50% des cas. Jusqu'à présent, la recherche s'est surtout concentrée sur des causes génétiques héréditaires, où les deux parents sont porteurs de mutations génétiques. Cette équipe britannique a cherché à explorer différemment les fondements génétiques de ce trouble. Les chercheurs ont analysé l'ADN d'une cohorte mondiale de 185 hommes infertiles et de leurs parents. Ils ont identifié 145 nouvelles mutations, dont 29 qui semblent affecter des gènes directement impliqués dans la spermatogénèse, le processus lié au développement des spermatozoïdes. Elles seraient le résultat de mutations de novo qui se produisent dans une cellule sexuelle, bien qu'elles n'aient jamais été observées chez les parents. Ces résultats fournissent des preuves du rôle des mutations de novo dans l'infertilité masculine sévère et indiquent de nouveaux gènes candidats. Et vous pouvez retrouver cette étude, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans Science Immunology décrit comment devenir super immunisé contre le Covid-19. On parle aussi de super immunité, ou quand les anticorps sont particulièrement puissants pour combattre un virus. On sait que l'infection naturelle génère à elle seule une réponse immunitaire différente de la vaccination. Une équipe américaine a analysé les sérums sanguins pour comparer les taux d'anticorps chez des patients vaccinés et infectés, ou vice-versa. Il se trouve qu'une combinaison de vaccination et d'infection offre une protection immunitaire plus robuste que la simple vaccination. Infecté puis vacciné ou vacciné puis infecté, il n'y a pas de différence. Les taux d'anticorps sont plus élevés et 10 fois plus puissants. Néanmoins, cette étude a été réalisée avant la propagation d'Omicron. On ne sait pas encore si ces conclusions peuvent s'appliquer à ce variant. Une étude parue dans The Astrophysical Journal décrit la découverte d'un trou noir intermédiaire. Oui, ce qui est extrêmement rare. La plupart des trous noirs que nous avons observés sont soit de taille stellaire, jusqu'à quelques dizaines de fois la masse du Soleil, soit ils sont supermassifs, avec des milliards de masses stellaires. Et entre les deux, il y a le trou noir intermédiaire que l'on considère comme un chaînon manquant. une équipe internationale a découvert, dans la galaxie d'Andromède, au cœur d'un amas d'étoiles, B023G078, un trou noir de 100 000 fois la masse du solaire. Du Soleil. Avec cette détection, on espère mieux comprendre l'évolution des galaxies et surtout comprendre comment les trous noirs deviennent supermassifs. Et pour finir, une étude parue dans la revue Geological Magazine décrit la découverte d'un vivier de fossiles du Jurassique en Lozère. Et dans les sous-sols du Cosmejan, dans le Massif Central, après 20 ans de fouilles, les chercheurs présentent ici un riche inventaire de la faune et de la flore qui date de la fin du Jurassique, avec des fossiles vieux de 150 millions d'années, extrêmement bien conservés. Des algues, des conifères, des mollusques, des crustacés, des céphalopodes, mais aussi des poissons. Près de 200 spécimens ont été extraits du calcaire. Ils offrent un aperçu du riche écosystème de l'époque, un écosystème de lagunes tropicales, oui, dans le Massif Central. L'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc prolonge de 2 ans les fouilles dans l'espoir de débusquer des restes de dinosaures. Des lagunes dans le Massif Central, c'est décidé. J'irai passer mes prochaines vacances à la Bourboule. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Blockchain, NFT, jetons non fongibles, futur métavers. À en croire les médias, nous sommes sur le seuil d'une révolution numérique avec le passage au web 3.0, un web nouveau, décentralisé, qui va totalement bouleverser notre rapport au réseau en proposant un modèle alternatif, local, affranchi des tiers de confiance. Mais ce rêve numérique que les médias nous font miroiter est-il bien réel? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce web 3.0? N'est-il pas dépassé avant même d'avoir été concret? Sommes-nous de facto déjà au web 4.0? Pour y comprendre quelque chose et essayer d'y voir un peu plus clair dans ce jargon médiatique et cette jungle numérique, revenons à la source, au point de départ en 3 lettres, www pour World Wide Web. Nous sommes en 1995 et le journal télévisé nous vend déjà une usine à rêves. Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés au sens propre qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Bertrand Caster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. Voilà, si même Bill Clinton consulte Internet, c'est dire qu'on est au summum de la modernité. Benjamin Bayer, une réaction à cette archive qui vend vraiment déjà une sorte de petite révolution. Mais on a l'impression que les médias nous vendent à chaque fois un peu une révolution avec Internet en l'occurrence. Les médias s'inspirent beaucoup dans leur mode de communication des communiqués de presse des marchands. Et assez peu des études des sociologues, et ça donne pas tout à fait le même point de vue, quoi. Typiquement, on nous vend aujourd'hui que le web 3.0 va être complètement décentralisé, ce qui est fumeux. Techniquement, il y a des vraies choses, hein. Il y a des vrais morceaux, des vrais progrès scientifiques. Tout ce qui est autour de la blockchain, c'est extrêmement intéressant scientifiquement. Mais si on regarde ça socialement, le réseau est de plus en plus centralisé, il est aux mains d'un nombre d'investisseurs qui est de plus en plus restreint. Donc la décentralisation, le métavers, c'est le contraire de la décentralisation, c'est tout aux mains d'une seule boîte. C'est interopérable avec rien, un seul acteur plus ou moins monopolistique fixant les règles du jeu. C'est le contraire de la notion de décentralisation. Alors, avant de plonger dans le Web 3.0, on va peut-être revenir un peu. Déjà, Xavier Lavessière, une réaction à cette archive. On est en 1995. On va peut-être faire un tout petit peu d'histoire. On est déjà assez avancé puisque le premier protocole TCP/IP date de 1983. Peut-être un mot sur cette révolution qu'on nous promettait en 1995. Alors, ce qu'il y a peut-être à corriger dans l'archive, c'est que si Internet est sans doute né aux États-Unis. Le web, c'est bien né en Europe, donc au CERN, donc dans des laboratoires de recherche physique, pour diffuser du savoir. Et quand on parle d'Internet et du web, c'est toujours une distinction à faire. Internet, c'est vraiment les tuyaux, l'infrastructure. Et l'idée du web, c'est d'être capable de publier du contenu, mettre des liens et pouvoir échanger des informations. Et donc, voilà, c'est une invention européenne qui est à l'origine de cette de tout ce contenu. C'est assez fascinant d'entendre dans cette archive que déjà en 95, on explique que l'essentiel du contenu est numérisé, alors qu'on est encore aujourd'hui en train de numériser des archives, des contenus nouveaux, etc. On n'a pas fini de tout mettre sur Internet. Mais oui, effectivement, Benjamin Bayard, sur ce distinguo Internet-Web, qu'est-ce que c'est exactement que le Web, ce qu'on appelle le World Wide Web, qui est créé, je parle sous votre contrôle, en 1989, notamment par Tim Berners-Lee? Le web, techniquement, c'est un des protocoles qui circulent sur Internet. C'est une application d'Internet. Il y en a d'autres. Alors, il y en a beaucoup qu'on ne voit jamais parce qu'elles sont très techniques. Des choses comme le DNS ou, je sais pas, le fonctionnement des bases WHOIS, par exemple. C'est des choses qui sont très techniques et que très peu de gens voient. Et qui sont quoi, par exemple? Le DNS, c'est ce qui permet de traduire un nom de domaine, donc www.france-culture.fr, en une adresse que l'ordinateur va savoir joindre. Alors ça, le commun des mortels ne voit pas que ça existe. Au mieux, on en a un petit peu conscience. Puis là, la base WHOIS, c'est ce qui permet de... C'est une sorte d'ANER des ressources techniques. Donc il y a des tas de protocoles comme ça qui existent. Le web est celui qu'on voit le plus, même si maintenant il tend à se cacher. Quasiment toutes les applis mobiles qu'on connaît et qui font un petit peu de réseau utilisent du web, mais c'est planqué et vous le voyez pas. Vous, tout ce que vous voyez, c'est que vous êtes en train d'utiliser une appli de shopping ou de réservation de voiture ou de jeu en ligne ou que sais-je. Et le protocole caché derrière, c'est du web. Le grand intérêt de l'invention de Tim Berners-Lee, c'était quelque chose d'extrêmement symétrique et donc non hiérarchique. N'importe quel ordinateur sur la planète pouvait publier des pages web, et on y accédait avec ce qu'on appelle une URL, où on précise le protocole, alors HTTP, et puis ensuite le nom de la machine, qui est vraiment le nom de l'ordinateur, hein, quand vous dites www.benjamin.fr, c'est censé être le nom de l'ordinateur. Et puis ensuite, vous dites quel fichier vous voulez sur cette machine. Et donc, l'immense intérêt de ce protocole, c'était que n'importe quel ordinateur que l'on connecte à Internet peut se mettre à servir des pages. Et donc l'usage premier qui était pensé, c'était je peux accéder aux pages qui sont sur votre ordinateur, vous pouvez accéder aux pages qui sont sur le mien, et pour peu qu'on ait quelques domaines de recherche en commun, on va pouvoir échanger des infos, se mettre en ligne des résultats, discuter, etc. Et donc c'était un protocole extrêmement symétrique, très peu hiérarchique, et où tout le monde pouvait publier. Et on ne l'a jamais présenté comme ça au grand public. On a toujours dit, il y a des gens qui diffusent des contenus qui sont, disons, au-dessus de la plèbe. Et puis il y a les pauvres paysans comme nous qu'on accède à ce qu'on veut bien nous montrer. Et cette vision-là est extrêmement fausse. Elle est devenue plus vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de publier. Mais vraiment, l'intérêt de ce protocole, c'était ça. C'était de mettre la publication et le fait de mettre en ligne à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, il est plus facile de publier. Non, il est plus difficile. Bon, vous allez nous expliquer pourquoi c'est intéressant, mais un mot peut-être, Xavier Lavessière, sur ces tout débuts, sur ce World Wide Web initial tel que le voulait Tim Berners-Lee. Dans ce que vient de dire Benjamin Bayard, j'entends paradoxalement l'idée que finalement, ce que l'on nous vend comme étant le Web 3.0 et dont nous allons parler au cours de cette heure, finalement se rapproche peut-être un peu finalement de cet idéal initial de décentralisation d'un réseau complètement distribué à l'échelle de la planète où chacun peut être producteur de son propre contenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est d'ailleurs assez amusant de suivre la trajectoire de Tim Berners-Lee pendant ces 20 dernières années parce que on peut, enfin plutôt 30, on peut voir quelqu'un qui est insatisfait de sa propre création et qui promeut justement des améliorations du protocole et des usages pour arriver à la vision initiale. Donc aujourd'hui il travaille notamment sur des nouveaux protocoles qui s'appellent Solid pour permettre cette nouvelle vision. Donc on en parlera peut-être après. Mm-hmm. Donc effectivement, hein, c'est une, les visions initiales, c'est celle d'un espace de partage et aujourd'hui on est dans tout l'inverse, un média plus contrôlé et finalement qui reste en partie descendant. On va étudier l'évolution justement du web depuis ce premier web de Tim Berners-Lee en 1989 à ce qui serait aujourd'hui, et je mets tous les points d'interrogation possibles, le web 3.0. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc du Web 3 ou du Web 3.0 en compagnie de Benjamin Bayard et Xavier Lavessière. Benjamin Bayard, on revient donc à ce Web 1.0, le Web initial, que l'on appelle aujourd'hui avec du recul le Web statique, parce qu'effectivement, malgré les intentions de Tim Berners-Lee, au début, les premières pages web, c'est des pages que l'on va consulter. C'est compliqué de faire des pages, de créer des pages. Il faut maîtriser. À l'époque, il n'y a pas encore de logiciel de création. Il faut coder directement en HTML. C'est un peu difficile, je veux dire. C'est vraiment très univoque, en tout cas. Alors, c'est très univoque dans ce sens où on ne fait pas des applications, on fait vraiment de la publication sur le web. On traite vraiment le web comme un moyen de diffuser des documents. Donc dans ce sens-là, c'est très statique. Cependant, c'est un système où la publication est tellement simple qu'elle est à la portée du premier venu. Comme si vous pouviez monter un journal, diffuser mondialement, pour une somme dérisoire, disons en budget d'aujourd'hui, si vous pouviez ouvrir un journal papier avec diffusion mondiale pour 300 euros par mois, on dirait que c'est très démocratique d'être éditeur de presse. Vous voyez. Alors effectivement, à l'époque, c'est très rustique. Hein. Ce sont des pages très simples. Elles sont pas forcément très complexes à produire, mais on fait des choses très simples. Si je fais un parallèle aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de publier aujourd'hui. Alors écrire un truc et le mettre en ligne, ça se fastoche. Le faire publier par quelqu'un, c'est facile. C'est-à-dire, écrire ce que vous voulez, aller le faire publier par Facebook, du moment que Facebook est d'accord pour vous diffuser, c'est enfantin. Mais vous avez intérêt à être dans la ligne éditoriale permise par Facebook. Si vous avez envie de diffuser quelque chose qui n'est pas permis par la plateforme, vous allez finir dehors. Ou sur une autre plateforme. Eh ben, c'est pas clair. Parce qu'en fait, ce sont des plateformes qui ne sont pas interconnectées entre elles. Le web est quelque chose d'interconnecté. Je mets une page sur mon site, vous pouvez en parler sur votre site, faire un lien et les gens vont aller de l'un à l'autre. Ce que vous publiez sur Facebook, ça reste dans Facebook. Ce que vous publiez sur LinkedIn, ça reste dans LinkedIn. Ce que vous publiez sur d'autres plateformes vont rester sur cette plateforme-là. Et donc, avoir son propre support de publication, avoir un vrai site web relativement indépendant, eh bien, c'est devenu plus compliqué qu'avant. Il y a tout un tas de normes à respecter, il y a tout un tas de procédures à respecter. Beaucoup de sites web sont très très mal référencés parce qu'ils n'appartiennent pas à un grand groupe. Très peu de gens savent comment y aller, puisqu'on a pris l'habitude de consulter de manière très passive dans des applications, et on sait beaucoup moins décider de ce qu'on va lire. Quand vous êtes dans un système où on vous alimente de petites bribes d'informations, vous n'avez plus du tout le réflexe de sortir de votre canapé pour aller chercher une information. Vous voulez dire que aujourd'hui, je vais plus sur Gandhi réserver mon nom de domaine pour faire nicolasmartin.fr et publier mes photos d'escalade, par exemple. Ça se fait encore. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'empêche que c'est moins courant et que quand vous faites ça, vous allez être moins bien référencé que la moyenne. Même si vous avez très jolies photos d'escalade. Ouais. ça peut encore passer, mais vous serez moins bien référencé que la moyenne. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez envoyer du mail, si vous voulez monter vous-même la plateforme de mail, il y a 30 ans, c'était très facile. C'était un petit logiciel à installer, 2-3 configurations pour éviter les grosses bêtises et ça marchait assez gentiment. Aujourd'hui, si vous montez votre système de mail tout seul, sans passer par des gens très chevronnés en informatique, vous serez classé comme étant du spam. Oui, mais quel besoin de monter mon système de mail si je peux avoir un mail dans une grande plateforme type Gmail, Yahoo. Ça suppose d'être d'accord avec les gens de chez Gmail ou de chez Yahoo et de ne pas leur faire d'ombre. Si vous commencez à les embêter, il va vous arriver des bricoles. Oui. Bon. Xavier Lavessière, un mot sur ce web initial dont l'objectif est de distribuer l'information et où effectivement il était peut-être relativement simple de monter des sites, mais il fallait tout de même être un peu débrouillard, apprendre, même si c'était pas très très compliqué, à monter des pages. C'était quel regard on a aujourd'hui rétrospectivement sur cette version initiale du web des années 90? Oui, je crois que quand on parle de facilité d'accès et de publier, il faut bien voir de quoi on parle, de quel type de profil. Internet, aussi des débuts, c'est des universitaires qui se connectent sur des machines qui coûtent cher encore, qui sont dans des laboratoires, etc. Petit à petit, les gens ont des PC, mais tout le monde n'a pas Internet. Alors, je suis assez vieux pour me rappeler des années 90, tout le monde n'avait pas encore Internet à la maison. Donc, on parle d'une facilité entre des acteurs qui ont un profil un peu technique, un peu intellectuel. Aujourd'hui, c'est quand même... beaucoup plus facile, comme vous le dites, de publier pour n'importe qui sur ces plateformes. Évidemment, la question est celle du, du contrôle. Et aussi, plus il y a de gens qui utilisent, plus il y a des effets de masse qui accroissent. Ouais. Donc, évidemment, quand il y a quelques milliers de sites sur Internet à l'échelle mondiale, ben, c'est peut-être facile de tous les découvrir. Quand il y en a des milliards, paradoxalement, finalement, les gens se concentrent sur quelques-uns, parce que c'est plus facile par ça. C'est tout le thème de la curation. Comment je trouve des nouveaux contenus? Et donc, c'est l'histoire, justement, quand on parle du Web 2, c'est aussi ces plateformes qui vont, en partie, drainer le trafic et permettre aux gens d'y accéder. Donc, c'est évident, hein, je suis d'accord avec ce que Benjamin Bayard a dit, qu'aujourd'hui, il y a du coup un contrôle de ces acteurs-là qui est problématique pour beaucoup de raisons. Mais ça reste qu'on peut toujours faire le site un peu comme on le faisait avant. On peut toujours le découvrir de la même façon qu'on le découvrait avant. Mais comme il y a des milliers de gens qui vont tous les jours chercher des nouveaux sites, ils vont peut-être être drainés vers les plus gros sites. Il y a un effet de massification. Ouais, ouais. Si on avance justement un peu dans le temps et avec ce Web 2.0, avant que ces acteurs énormes qu'on appelle les GAFAM, ils ont plein d'autres noms, d'oiseaux qu'on peut leur donner, interviennent finalement, Benjamin Bayard, au début, l'idée initiale de ce Web 2.0 au début des années 2000, c'est donc un Web plus participatif. Les premiers outils qui apparaissent dans le sens d'une plus grande participation et d'une démocratisation de la participation sont plutôt des outils collaboratifs comme Wiki, comme les blogs qui permettent finalement à tout un chacun de ne pas avoir à plonger dans le code ou dans des éditeurs HTML pour pouvoir monter leur propre site. Il y a deux tendances qui apparaissent à la même époque. Il y a effectivement une idée de simplifier pour démocratiser, qui est de dire, quand même, publier, il faut parler un certain nombre de langages techniques. Vous citiez tout à l'heure, allez acheter mon nom de domaine chez Gandhi, il y a quand même une grande partie de l'humanité pour qui cette phrase n'a pas de sens. Il faut parler deux ou trois langages un peu techniques pour écrire les pages, pour les mettre en forme, pour qu'elles soient jolies, enfin, c'est un peu compliqué. Donc le JavaScript, le CSS, HTML... Ouais, bon. Toutes ces choses-là, et donc on se dit, ok, on va faire des logiciels dans lesquels je peux écrire et mettre en forme, et puis les gens qui ont la connaissance technique feront les logiciels d'édition, et puis les gens qui ont juste envie de s'exprimer, ils viennent, ils écrivent, ils participent. Ça, c'est la première tendance. Et la deuxième tendance, c'est le fait qu'on a vu apparaître des gens qui étaient là pour des raisons commerciales, ce qui était assez nouveau. Internet, fin des années 80, début des années 90, les gens ne sont pas là pour des raisons commerciales. C'est essentiellement des universitaires qui essayent de discuter entre eux. Il y a toujours des histoires de gros sous parce que les infrastructures informatiques coûtent très cher et que donc le moindre accès à Internet coûte un pognon de dingue, pour prendre une expression moderne. Mais les gens sont pas là pour faire de l'argent. Ça coûte cher parce que c'est compliqué à faire, mais ils sont pas là pour faire de l'argent. Et en fait, à la même époque, on voit apparaître des gens qui sont là pour faire de l'argent. Or, ils ont rien à dire. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent faire de l'argent sur Internet, quelques-uns d'entre eux ont des idées de services à rendre, de faire du n'importe quoi en ligne qui puisse se vendre. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont rien à dire. Et donc, ils vont essayer de faire la plateforme la plus jolie possible sur laquelle vous allez venir vous exprimer parce que ce que vous avez à dire a de la valeur. Mmh. Et comme ils ne sont pas capables de produire un contenu de valeur, parce que c'est un métier qu'on connaît, ça s'appelle journaliste, ça s'appelle éditorial, ça s'appelle auteur de livres ou de bandes dessinées, que sais-je, c'est très compliqué de produire du contenu. En fait, dire au grand public, venez, produisez du contenu, et vous allez en fait fabriquer mon contenu éditorial. Alors ça peut être avec des visées autour de la liberté d'expression et de permettre aux gens de s'exprimer, et puis ça peut être simplement, c'est typiquement l'approche de Facebook. Facebook ne produit quasiment pas de contenu, c'est vous qui produisez le contenu, et en fait il a de la valeur pour vos proches. Quand vous publiez les photos du baptême du petit, ça a de la valeur pour Tata Jacqueline, et donc du coup Tata Jacqueline elle reste sur Facebook pour voir si jamais vous avez publié des nouvelles photos du petit, et du coup tant qu'elle reste à regarder ça, on peut lui fourguer de la pub. Mais c'est vous qui avez produit le contenu qui a de la valeur. Donc il y a ces deux tendances qui se produisent. On voit apparaître les marchands qui veulent que vous produisiez le contenu à leur place, de manière à assurer leur rente publicitaire. Et puis, il y a une deuxième tendance, je dirais plutôt le côté positif de la même pièce, quoi, qui est de dire, on va aider les gens à s'exprimer plus facilement et on va permettre de démocratiser les outils et l'usage. Et en fait, on a, faisant ça, dépossédé les gens. C'est le même jeu que dans la voiture. Du temps lointain où on avait une deux chevaux, la quantité de la population qui était capable d'en faire la vidange toute seule était assez élevée. Parce que c'est pas très compliqué de faire la vidange d'une deux chevaux. Essayez de faire la maintenance d'une voiture moderne, vous ne pouvez pas. ça demande une quantité de matériel hyper spécifique, de connaissances hyper pointues, qui n'est plus à la portée de tout le monde. Et donc, pour le rendre plus démocratique, plus sûr, plus etc., on l'a surtout rendu beaucoup plus technique, et donc beaucoup moins accessible. Donc c'est un effet de cette mécanique. Mais beaucoup plus sûr, par ailleurs, si on garde la voiture. Si on garde la voiture, sur Internet, c'est pas toujours si clair, mais si, même en moyenne sur Internet, si, c'est quand même plus sûr. Mais beaucoup plus compliqué et beaucoup moins accessible aux gens. Xavier Lavessière, sur ce web 2.0, je repose un peu la même question pour avoir votre opinion. Au début, quand on voit des plateformes comme Wiki, on est vraiment dans une volonté. Wiki, ça n'est pas que Wikipédia, hein, puisque le Wiki, c'est un système d'édition participatif et collaboratif. Il y a tout de même une idée de mise en commun, de partage, de non marchand et de transfert collectif de la connaissance vers ce type de plateforme collaborative. Oui, si je prends le parti un peu plus optimiste, c'est peut-être ma personnalité, mais justement à cette époque naît Wikipédia, et pour moi Wikipédia c'est quand même un des plus beaux succès d'Internet, avec le même modèle, avec la même question. Alors avec l'idée au départ, hein, qu'il y a eu la tentation d'en faire un service aussi commercial, mais finalement aujourd'hui c'est un outil qui est partagé par tous. Même le ministère de la Culture a mis de l'argent pour développer la base de données de Wikipédia sur le dictionnaire, par exemple. Donc aujourd'hui, on a vraiment un outil qui est collaboratif, qui est facile pour tous d'éditer. Alors même si vous allez sur Wikipédia et que vous éditez un article, c'est pas si simple, hein. Vous parliez de la difficulté technique. Quoi qu'on fasse sur un outil, ça demande un peu d'apprentissage. Donc éditer une page Wikipédia, c'est plus facile que faire un site soi-même. Mais ça demande quand même une petite barrière d'entrée qui fait que tout le monde ne participe pas. Mais aujourd'hui, on a quand même un outil qui est absolument incroyable, où l'ensemble des savoirs de l'humanité sont rassemblés, discutés, débattus, accessibles à tous. Je pense qu'on n'a pas encore pris toute la mesure des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de savoir d'avoir un outil comme ça partagé. Il y a les wikis, donc dont Wikipédia est l'une, enfin peut-être la dernière, je sais pas qui fait encore des wikis aujourd'hui, mais enfin c'est encore extrêmement courant, en fait. Ah oui, d'accord, c'est un outil en entreprise qui est extraordinairement courant, le wiki. C'est une façon de documenter les choses en interne, les procédures, le numéro de téléphone des services généraux a changé, on met à jour le wiki. Et puis voilà. C'est une sorte de base de données collective que tout le monde peut éditer. C'est un outil extrêmement commun. Ouais. En fait. Avant d'arriver au cœur de notre discussion, un mot très rapide quand même sur les blogs. Les blogs, ça a été aussi finalement une démocratisation de la créativité, l'édition, de l'écriture collective qui a priori n'avait pas de visée immédiatement marchande. Alors oui, c'est un phénomène qui a été extrêmement intéressant, les blogs, où on a vu en fait le plaisir que les gens avaient à s'exprimer en public, qu'on a constaté d'abord dans des formats qui aujourd'hui sont oubliés, mais les forums Usenet sur lesquels les gens venaient discuter. C'était quelque chose d'extrêmement dense et d'extrêmement riche, où il y avait aussi beaucoup de choses très crades, mais il y avait beaucoup de discussions très riches. Et qui s'est déplacé vers le web à cette époque-là, et où les gens, quand ils ouvraient leur site web, au lieu de seulement mettre à disposition leurs travaux de recherche, ils racontaient leur vie, ils racontaient leurs opinions, ils discutaient, etc. Et on a vu apparaître effectivement des plateformes qui simplifiaient l'ouverture d'un blog, où on a fabriqué l'idée d'une plateforme de blog. Les grands journaux ont ouvert des plateformes de blog, par exemple, toujours avec cette même ambivalence. C'est-à-dire que ça permettait beaucoup plus facilement aux gens de s'exprimer, ce qui est extrêmement agréable, et pratique en termes de développement démocratique, mais ça se faisait toujours avec l'idée qu'il va bien falloir financer à un moment. On est réticent à demander quelques sous aux gens que l'on publie, et donc on va plutôt chercher à leur faire produire du contenu le plus attirant possible pour travailler sur de la rémunération publicitaire. Et donc il y a toujours eu ces deux facettes, l'une qui tend à centraliser, et l'autre qui tend à travailler sur le financement publicitaire et sur le fait de faire produire les contenus par les utilisateurs plutôt que de les produire soi-même. Il faut avancer parce que le temps passe et on n'est pas encore dans le cœur de notre émission. Le cœur de l'émission, c'est ce web 3, le web 3.0, qu'on appelle un web sémantique. Ça veut dire quoi, le web sémantique, Xavier Lavessière? Alors, le web sémantique, c'est l'idée de structurer un peu les contenus sur Internet en ayant des relations entre différents types d'informations. Mais justement, quand on parle de Web3, ça c'est une des visions du Web3. Et c'est celle qui a prévalu il y a quelques années. On se disait, le futur de l'Internet, c'est voilà, d'avoir ces contenus plus structurés. L'exemple qu'on a, c'est le plus fort de ce web sémantique. Aujourd'hui, c'est derrière Wikipédia, justement, il y a un ensemble de bases de données qui alimentent les articles et qui vous permettent d'avoir, si vous regardez une page, les petites encarts à droite, vous avez une fiche. Par exemple, vous regardez un homme politique, vous avez la fiche des différents posts qu'il a eu, les différentes choses. Donc là, on est dans le web sémantique, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas juste des pages que je peux lire individuellement, mais des contenus qui sont structurés, organisés, et que du coup, on peut utiliser dans différentes choses. On peut faire une application, du coup, avec les profils de différents hommes politiques, etc. Donc voilà, ça, c'est une des premières visions du web 3, donc l'idée de qu'est-ce qui serait le futur du web. Mais c'est pas forcément aujourd'hui celle qui prédomine. Finalement, ça reste assez limité en usage. J'ai trouvé cette définition que je vous livre. Le web sémantique nécessite l'utilisation d'un langage ontologique déclaratif comme OWL, O-W-L, pour produire des ontologies spécifiques à un domaine que les machines peuvent utiliser pour raisonner sur des informations et tirer de nouvelles conclusions, pas simplement pour faire correspondre des mots-clés. Très sincèrement, je ne comprends pas. Oui, parce que c'est écrit en langage d'universitaire incompréhensible. le problème, c'est que si vous demandez à un ordinateur de travailler sur des textes, il ne va pas faire preuve d'intelligence. Et donc, ce qui peut faire comme recoupement de plus malin en première approximation, c'est de trouver qu'il y a le même mot. Et le problème, c'est que le même mot, il ne veut pas forcément dire la même chose. C'est-à-dire, si à un endroit, il y a écrit 42, selon que c'est mon âge ou ma pointure de chaussure, comprenez-vous, c'est pas pareil. Si à un endroit, il y a écrit Benjamin Bayard, selon que c'est moi ou que c'est l'alpiniste, ça dit pas pareil. C'est quand c'est le mec qui se promène dans la montagne, c'est pas le même. Alors Nicolas Martin n'imagine même pas. Oui, ça, je suppose qu'il y en a deux ou trois. Et il y a probablement en plus des Martin Nicolas. Par ailleurs. Qui n'ont rien à voir. On inverse le nom de prénom, on change tout. Et c'est ça le problème du web sémantique. C'est donner de l'information à l'ordinateur pour qu'il soit pas en train de chercher une correspondance entre deux mots, parce qu'il va tomber sur trop de coïncidences pour pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant, mais chercher une correspondance entre des concepts. Et donc, il faut qualifier le mot, d'où la notion de ontologie, de dictionnaire, et de, on va pas dire juste les mots Nicolas Martin avec une orthographe donnée, mais on va dire, ça c'est le prénom, ça c'est le nom. L'ensemble, je parle bien de l'animateur radio, et pas du joueur de pétanque très célèbre dans les Calanques. Du bourgmestre de Mons, figurez-vous. Donc vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de créer, en fait, de remplacer les mots très simples par des concepts qu'on a reliés entre eux et enrichis, de manière à ce que quand l'ordinateur cherche des correspondances, il puisse trouver des correspondances intelligentes. Typiquement, qu'il puisse trouver une correspondance entre, je vais rester sur mon cas, Benjamin Bayard est cofondateur de la Quadrature du Net, et que quand on lui demande des infos autour de Benjamin Bayard, peut-être que certaines infos où mon nom n'est pas cité, mais où d'autres noms des autres cofondateurs de la Quadrature sont cités, peuvent être extrêmement pertinentes pour répondre à la question. Vous voyez, c'est d'abord enrichir les mots par des concepts et ensuite être capable d'interconnecter pas seulement des mots qui sont exactement identiques, mais trouver des concepts qui sont voisins ou des mots qui sont rattachés, etc. etc. C'est cette notion-là. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'est le web sémantique, l'une des pièces centrales de ce web 3 ou de ce web 3.0, c'est quelque chose dont nous avons déjà pas mal parlé à ce micro, la blockchain. Et pour comprendre comment la blockchain s'imbrique dans cette conception du web 3.0, Céline Lezen, vous êtes allé rencontrer et consulter une experte de la société qui s'appelle la bien nommée Blockchain et Crypto chez KPGM France. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Oui, Claire Balva est cofondatrice de la société Blockchain Partner. Son travail consiste à conseiller des entreprises sur les blockchains et les crypto-monnaies. Par exemple, développer une nouvelle plateforme de NFT ou bien accompagner une entreprise dans la création d'un nouveau NFT. Mais en dehors de la dimension purement business, elle m'a expliqué en quoi la blockchain et les crypto-monnaies sont aussi, pour le citoyen, un moyen de regagner du contrôle dans son expérience utilisateur, que ce soit pour échanger de la valeur ou stocker de l'argent avec un retour vers les valeurs originelles du web. En fait, les blockchains et les cryptos, ça va changer la manière dont on interagit avec la valeur sur Internet. Et donc la valeur, ça va être bien sûr les crypto-monnaies qu'on connaît, le Bitcoin, l'Ether, etc. Mais ça peut être aussi d'autres types de valeurs. Donc ça peut être par exemple des points de fidélité, ça peut être des NFT dont on parle beaucoup en ce moment, ça peut être des actions d'entreprise, ça peut être des parts d'immeubles, bref. Tout ce qui peut se représenter sous forme d'un jeton numérique. Et donc effectivement, nous, nos clients, ils viennent nous voir pour comprendre ça et pour comprendre comment ça va changer leur business. Et parfois, pour certains clients, notamment ceux dans le monde financier, ça change même le cœur de métier parce que ça va changer la valeur qu'ils gèrent, eux, pour leurs clients. Donc ça concerne aussi tout ce qui est marché de l'art, l'industrie culturelle. Et au niveau utilisateur, parce que là, on parle de professionnels, de groupes ou d'entreprises, de sociétés, mais au niveau vraiment individuel. Alors en fait, ça change les choses pour tout le monde. Et donc ma conviction, c'est que demain, par exemple, on aura une multiplicité des monnaies et des actifs, et on aura une démocratisation des applications financières. On pourra stocker dans un même portefeuille des points de fidélité, des euros, des bitcoins, des actions. On pourra détenir soi-même sa valeur numérique. On ne dépendra pas forcément d'une banque pour stocker de la valeur de manière numérique. On pourra stocker ça sur son ordinateur, sur son téléphone, sur une sorte de clé USB. Donc ça va changer des choses pour tout le monde, mais forcément, certains métiers vont être particulièrement affectés. Mais alors, du coup, vous parlez de l'exclusion d'un tiers de confiance, que ce soit une institution, une banque, mais est-ce qu'il n'y a pas des résistances de la part au niveau individuel? Parce qu'encore une fois, une entreprise a tout un tas de garants, mais au niveau individuel. Alors, bien sûr, je ne pense pas que tout le monde ait envie de se passer de tiers de confiance. Pas du tout, et je pense que les tiers de confiance ne seront pas exclus. Simplement, ceux qui souhaiteront se passer de tiers de confiance pourront le faire. Et en fait, c'est cette nouvelle possibilité qui existe avec le Web 3.0, avec les crypto-monnaies. C'est cette capacité à, si on n'a pas envie de mettre son argent à la banque, eh ben, on pourra le détenir soi-même. C'est comme du cash, mais numérique. Et donc ça crée une nouvelle concurrence aussi pour ces acteurs financiers, parce que maintenant, ils ne seront plus concurrencés simplement entre eux, entre ces tiers de confiance, mais ils seront aussi concurrencés par l'alternative, pas de tiers de confiance. Et donc ça crée une nouvelle concurrence, et je pense que chaque individu pourra choisir de la manière dont il souhaite conserver sa valeur. Et chacun verra en fonction du niveau de responsabilité individuelle qu'il a envie d'avoir, de sa confiance envers les tiers en question, etc. Donc en fait, le corollaire de cette décentralisation, c'est plus d'autonomie et de contrôle pour l'utilisateur, le consommateur. Exactement, c'est cette possibilité de redonner le contrôle à l'utilisateur s'il le souhaite. On aura, rien qu'avec les crypto-monnaies, par exemple, on voit apparaître des crypto-banques. Donc il y a aussi des tiers centralisateurs dans les crypto-monnaies, mais ce n'est pas le même niveau de centralisation. Et puis surtout, il reste l'option décentralisation, possibilité de ne pas avoir recours à ces tiers. Mais ça demande de la responsabilité. Parce que du coup, on détient soi-même son argent. C'est comme quand vous détenez du cash. Si vous le perdez, bah, c'est tant pis pour vous. On dit que même dans le secteur de l'immobilier, pour estimer le cadastre, ça pourrait être utile, notamment dans les pays où le gouvernement ou le système étatique a moins de pouvoir. Alors, j'ai pas forcément d'avis sur ce cas d'usage de cadastre, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup dévoyé. On utilise souvent les blockchains comme une sorte de substitut à de simples bases de données. Je pense que c'est un peu un contournement de la technologie, en fait. Mais c'est vrai que de manière générale, les crypto-monnaies ont, je dirais, un potentiel plus élevé dans les pays, je dirais, en voie de développement, par rapport à des pays où la situation monétaire est stable, comme la France. Et donc, c'est pas très étonnant que finalement on voit ces technologies émerger dans des pays où la situation politique est plus instable. Dans des pays où on a beaucoup accès à des mobiles, à des interfaces numériques, mais là où on peut moins se reposer sur les systèmes d'autorité, est-ce que ces outils fondés sur la blockchain peuvent être au service des habitants, des citoyens ? Ah ben complètement. En fait, les outils sont ce qu'on en fait. Et donc forcément, si vous avez un État dans lequel les citoyens n'ont pas confiance parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a un manque de stabilité, et qu'il y a en parallèle de ça une bonne couverture numérique, c'est quand même essentiel, hein, faut aussi le rappeler, bah, dans ce cas-là, ces outils sont particulièrement pertinents. Et effectivement, ça peut même aider à résoudre les problèmes de bancarisation qui sont parfois faibles dans certains de ces pays. Complètement. Maintenant, ne nous leurrons pas. Dans une campagne reculée où il n'y a pas Internet, on ne va pas aller mettre du Bitcoin ou voilà. Mais dans des endroits qui sont effectivement bien couverts, bien numérisés, mais dans lesquels il y a une faiblesse institutionnelle, dans laquelle il y a peu d'acteurs bancaires ou alors qui sont très chers, bah là c'est complètement pertinent d'aller utiliser les crypto-monnaies. Ce que je trouve intéressant avec le Web 3, c'est finalement qu'il y a une sorte de retour en termes de valeur au Web 1. Le Web 1, c'était un web assez statique, hein, où on écrivait du contenu, mais finalement, chaque utilisateur avait le pouvoir de rédiger ce contenu et de se faire entendre. Et finalement, avec le Web 2, il y a eu une recentralisation auprès d'acteurs, notamment des GAFA, qui ont proposé une super expérience utilisateur, mais qui ont recentralisé les données. Et c'est vrai que le Web 3, c'est un peu le retour de l'utilisateur qui va pouvoir retrouver un peu de pouvoir sur son contenu et sur ses données. Comme l'avait songé Tim Berners-Lee. Exactement, donc je trouve ça assez intéressant de voir aussi que les crypto-monnaies qui sont un peu reniées sur un côté réputation sulfureuse, finalement permettent aussi ce retour de la responsabilité et du pouvoir de l'utilisateur. Voilà, crypto-monnaie, blockchain dans ce Web3 comme maillons essentiels. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, Xavier Lavessière? Peut-être sur le point le plus important, je pense que par rapport à ce qu'on vient de se dire avant, effectivement, il y a un retour au Web1, plus de contrôle à l'utilisateur, l'idée qu'on peut contrôler soi-même, par exemple, ses crypto-monnaies, des actifs, etc. Mais on revient exactement à la question qu'on avait au début. C'est effectivement, tout le monde peut le faire. Mais en fait, ça demande une certaine barrière technique. Donc pour l'instant, les premiers utilisateurs, c'est les gens techniques. Donc du coup, effectivement, c'est tout le monde, en quelque sorte, mais dans une petite communauté. Et plus ça se popularise, plus c'est l'inverse qui se passe. Donc les gens, aujourd'hui, achètent des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, utilisent des crypto-actifs qu'ils contrôlent pas eux, mais qui sont contrôlés par des intermédiaires. Et donc du coup, on n'est pas du tout dans un nouveau monde par rapport à ça, finalement, puisque même situation avec la massification, on a une concentration des acteurs autour de ça. Un point qui est important et qui est discuté, c'est la question des pays en voie de développement et des opportunités dans les cas où il y a des faiblesses bancaires, etc. Et ça, je pense que c'est un sujet intéressant. Et il faudrait par contre pas trop mélanger les questions plus d'Internet, de questions un petit peu de rapport culturel à une plateforme et les questions pures de monnaie qui sont quand même plus difficile, c'est-à-dire avoir des nouvelles monnaies, une multiplicité des monnaies par exemple, ça peut aussi beaucoup compliquer beaucoup l'économie justement des pays en voie de développement. Donc voilà, peut-être c'est deux conversations à distinguer quand on parle de ça. Benjamin Bayard, votre réaction à ce reportage et à ces quelques postulats autour de la blockchain et des crypto-monnaies? Il y a quelques morceaux avec lesquels je suis d'accord, et il y a beaucoup de morceaux qui me posent problème parce qu'ils m'ont l'air d'avoir très peu de sens. L'idée qu'on peut manipuler de la monnaie indépendamment de son banquier, moi je connais ça depuis longtemps, ma mémé faisait ça, elle appelait ça de l'argent liquide et elle trouvait ça très pratique. Ça lui permettait même d'en soustraire au fisc, enfin c'était un truc formidable. Du coup, je comprends pas où est l'innovation là-dedans. Pour moi, ça relève du fantasme. Je comprends beaucoup plus le sujet de considérer la blockchain comme un traitement de base de données. Parce que là, ça peut correspondre à une défaillance. C'est-à-dire, en France, pour gérer des grandes bases de données centrales comme l'état civil, le cadastre, des trucs comme ça, on sait le faire depuis des siècles. On fait ça avec des notaires, des plumes d'oie, du papier, ça marche impeccable, il n'y a aucune raison de le réformer. En revanche, il y a des tas de pays dans lesquels ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas ces services publics et donc il n'y a pas cette capacité à tenir un État qui fonctionne parce que l'État est trop faible. Et où pour le coup, des systèmes décentralisés appuyés sur des technos assez solides comme la blockchain pourraient permettre de monter des choses qui tiennent la route et qui survivent malgré l'absence de l'État. Donc ça peut avoir un sens. Ça suppose des acteurs relativement forts quand même pour être capable de tenir les systèmes informatiques en question. Donc prétendre que le malheureux paumé dans les rues de la ville pauvre d'un pays d'Afrique complètement déstructuré va être capable de gérer une blockchain tout seul, ça c'est de la flûte, même s'il a un téléphone portable. C'est pas du tout la bonne taille d'ordinateur. En revanche, prétendre que des petites structures, des communes, des petites entreprises, etc. peuvent se fédérer autour de ce type de techno pour remplacer un état défaillant par une interconnexion de systèmes, ça peut marcher. Et donc ça a du sens. Sinon, la crypto-monnaie pour remplacer mon banquier, c'est sûrement très rigolo, mais c'est un truc pour payer riche, quoi. Enfin, c'est pour s'amuser. Si nous, on a envie de s'amuser, on peut s'amuser avec ça. C'est pas plus bête que de regarder Netflix. Bon, il y a des choses très bien. Il y a des choses très bien, oui, c'est ça. Non, alors, la question que je voudrais vous poser, et puis on va entendre concrètement dans quelques instants un doctorant qui travaille justement sur cette notion de partage coopératif. Mais entre le Web 1 et le Web 2, moi, Nicolas Martin, utilisateur d'un ordinateur, je vois, je comprends la différence, je vois. Le web sémantique, je peux comprendre aussi. Quand j'entends là ces questions liées à la blockchain, quand je vous entends parler de la façon dont une base de données décentralisée peut aider des états défaillants, etc., je ne vois pas concrètement, peut-être que je vis dans un monde parallèle, mais autour de moi, personne n'achète de crypto-monnaie, les gens continuent à aller bêtement à la banque et à payer avec une carte bleue, et je ne vis pas effectivement dans un pays avec l'état défaillant, avec des gens qui se mobilisent pour essayer de restructurer grâce à la blockchain un certain nombre de points de structuration de l'État. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Web 3.0 pour moi, utilisateur lambda d'un pays occidental ? Alors, pour moi, il y a deux éléments de réponse. Il y a un premier qui est une réponse très scientifique, très technique, où ça correspond à des technologies très particulières, des outils mathématiques extrêmement intéressants qui permettent des choses. Là, vous parlez de la blockchain. Et je parle typiquement de la blockchain, et où on n'a pas encore trouvé les usages les plus pertinents. Et pour le moment, on est en train de bricoler avec cette techno, comme au début de la radioactivité, on bricolait pour faire des réveils qui brillent dans la nuit. Okay. Donc on n'a pas encore trouvé les deux jours par ailleurs. Voilà. Donc on n'a pas encore trouvé les usages les plus pertinents du truc, mais il est évident qu'il y a un vrai intérêt. On voit émerger quelques usages. Il y a un deuxième élément de réponse et qui pour le coup relèverait d'un mélange entre finance et sociologie, donc ce serait pas la même émission, où il faudrait demander à des spécialistes de ce que c'est que de la monnaie et à des sociologues qui se sont intéressés à comment les sociétés s'approprient la monnaie, okay, comment on peut imaginer une société qui fonctionne avec des banques centrales qui correspondent à des blockchains différentes, régies par des règles différentes, plutôt qu'une banque centrale qui est aux mains de l'État. Et ça, moi, je ne sais pas vous répondre, parce que c'est trop compliqué comme question. Mais c'est une vraie question. Pour le coup, des systèmes de gestion de monnaie, moi, j'ai quelques copains qui jouent avec des crypto-monnaies, pas au sens spéculer sur le bitcoin, mais au sens chercher des crypto-monnaies pas trop polluantes et avec lesquelles on peut faire du développement local, un peu à la façon des selles d'autrefois, si ça vous rappelle des choses, les monnaies locales, qu'on appelait des selles, des systèmes d'échange libre. Oui, tout à fait. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Et donc là, il y a des choses socialement à chercher qui sont intéressantes, il y a des usages à créer et qui peuvent avoir du sens. Xavier Lavessière, sur cette question également. Alors juste deux points. D'abord, sur le fait que vous n'avez pas d'amis qui ont des crypto-actifs, voilà, vous choisissez peut-être pas de façon particulière vos amis, mais aujourd'hui, il y a 8% des Français qui possèdent des crypto-actifs. Donc c'est quand même quelque chose qui est diffusé dans la société. Et il y a un débat qui existe depuis le début, c'est de savoir si est-ce qu'il faut se concentrer sur la technologie, son potentiel, ou sur les crypto-actifs. Et comme l'a dit Claire Balva, il y a un côté un peu sulfureux dans les crypto-actifs. On comprend pas toujours. Il y a un côté de spéculation assez fort. Il y a beaucoup de paris autour. Mais pour autant, aujourd'hui, le Web3, c'est ça. C'est le phénomène qui est en train d'impacter des pans importants dans l'ensemble de l'économie, c'est pas les potentiels futurs de la technologie, c'est le simple fait qu'on est capable d'échanger de la valeur. C'est quelque chose qui est in fine, on peut vraiment le résumer en quelque chose de simple. On peut aujourd'hui créer quelque chose qui représente de la valeur et l'échanger. Et en fait, tous les usages plus élaborés, aujourd'hui, au contraire, ils ont pas vraiment décollé après 10 ans de ces nouvelles technologies. Et d'ailleurs, nouvelles technologies, sur le plan un peu technique, je me souviens de mes amis informaticiens, au début, ils regardaient ça avec un peu de mépris en disant « mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est juste des briques qu'on connaît qui sont assemblées d'une certaine façon. » Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de dire « voilà, on a maintenant une façon d'échanger de la valeur. » Alors, par rapport à l'argent liquide qui existe, tout le problème, c'est que notre société va se numériser et qu'aujourd'hui, on fait des échanges en ligne, on vit en ligne, etc. Donc on a besoin d'un équivalent du liquide dans le numérique, avec plein de questions qui se posent et qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne répondent pas tout à fait, par exemple, l'argent liquide, c'est entièrement privé, effectivement, c'est entièrement anonyme, pas traçable, c'est pas du tout le cas de ces crypto-monnaies. Donc il y a une adéquation avec ce dont on a besoin et ces technologies qui n'est pas encore parfaite. Mais voilà, il y a un vrai changement de société qui est en train de se faire. Et ça, je crois qu'il faut distinguer quand même ce qui serait le futur et ce dont on parlait il y a quelques années, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça et qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de se faire. Et typiquement, il y a des phénomènes importants dans des pays en voie de développement, il y a des phénomènes importants dans des pays développés aussi, de pans économiques qui s'appuient sur ces nouveaux outils. On va retrouver maintenant, parce qu'on est évidemment assez en retard sur notre programme, notre doctorant du jour, puisque c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. J'ai le plaisir d'accueillir Léo Lavore. Bonjour Léo. Bonjour. Vous travaillez sur les outils de threat intelligence pour l'indexation des menaces de l'IDEO et le partage coopératif. C'est une thèse en préparation à l'École nationale supérieure Mines Télécom. Bienvenue à la recherche montre en main. C'est à vous, on vous écoute. Donc, je travaille dans une chaire de recherche industrielle qui s'appelle CyberCNI et qui travaille avec des partenaires de l'industrie sur la sécurité des infrastructures critiques. Et entre autres, les thématiques de détection d'intrusion et de systèmes collaboratifs qui sont, moi, mes domaines de recherche. Pour un système collaboratif, on prend souvent l'exemple du traitement de texte partagé qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui entre collègues ou entre étudiants pour travailler à plusieurs sur un même fichier. Moi, j'essaie d'appliquer ce principe-là à la détection d'intrusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'observer les caractéristiques d'un système, par exemple ses communications réseau qui ont évolué dans le temps, et de rechercher soit des motifs connus, ceux qui seraient signes d'attaque, ou une déviation d'un comportement normal qu'on aurait défini au préalable. Pour faire ça, on utilise de l'apprentissage automatique. L'objectif est de fournir une grande quantité de données à un algorithme pour qu'il extrait lui-même les caractéristiques intéressantes de ce jeu de données et les traduise dans un ensemble de règles qu'on appelle le modèle et qu'on va être capable d'utiliser ensuite pour faire de la détection ou de la classification. Le problème de ces algorithmes, c'est qu'ils sont souvent, ils ont besoin de beaucoup de données en fait pour être efficaces et c'est un problème quand on les exécute localement sur les données qu'on détient dans notre système d'information. Pour répondre à ce besoin, on utilise des systèmes qu'on appelle collaboratifs. Dans notre cas, l'objectif, c'est d'obtenir un modèle unique à partir des données de plusieurs clients partagés dans le monde. Et là, on a une intersection assez intéressante avec les thématiques de cette émission, parce que le choix d'architecture fait souvent pour les systèmes collaboratifs, c'est celui d'une architecture dite centralisée, avec dans notre cas une machine distante à qui on va envoyer toutes nos données pour qu'elle réalise des traitements. Si je reprends mon exemple de traitement de texte partagé, c'est le cas avec le fichier qui est détenu soit par Google, soit par Microsoft, soit par un autre acteur comme ça. Et en réalité, vous n'avez accès qu'à une vue de ce fichier au travers de votre navigateur. Et ce problème de centralisation, il pose des soucis pour nous en termes d'exposition de données, parce que c'est un risque d'interception, de divulgation, mais aussi de latence entre le point de collecte et le point de traitement, qui est critique dans la détection, puisqu'il faut être le plus réactif possible. Pour pallier ces limites-là, on utilise ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique fédéré, où l'objectif est de répartir les tâches d'apprentissage et de détection vers des agents locaux, ce qui permet de supprimer en fait le transfert de données entre les points de collecte et de traitement. On augmente donc la confidentialité, on réduit la latence. Mais pour rester collaboratif, puisqu'on ne partage plus nos données réseau, on va partager le résultat de notre apprentissage, donc les modèles dont je parlais tout à l'heure, qui seront fusionnés avec des propriétés mathématiques, pour créer un modèle unique qui aura bénéficié de l'expérience de tous les participants. Pour les entreprises, ça signifie qu'elles peuvent collaborer tout en se protégeant elles-mêmes contre les fuites de données ou l'espionnage industriel, par exemple. Ces technologies, elles ont été appliquées à la détection d'intrusion à partir de 2019. Et c'est dans ce contexte, du coup, d'un domaine émergent que mes travaux ont pris place, avec, comme beaucoup de doctorants au début, la réalisation d'un état des lieux de ce qui existe, comparer les approches. Et puisque le domaine était encore très récent, on a voulu aller plus loin et participer à sa structuration, donc en proposant une architecture de référence qui permet de conceptualiser des systèmes fédérés et une taxonomie qui permet de les classer et de les comparer sur des critères objectifs. On établit aussi des directions de recherche, à la fois pour nous en interne, mais aussi pour les partager avec la communauté, ce qui a été fait au travers d'un article soumis en novembre dernier. Sur les direction de recherche sélectionnée, nous avons choisi de nous concentrer sur les thématiques d'adaptabilité et de transfert de connaissances, ou comment s'assurer que l'apprentissage qui est fait chez quelqu'un sera aussi pertinent chez quelqu'un d'autre. Par exemple, comment est-ce qu'on transfère les connaissances qu'on a acquises sur un système d'information bancaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a absolument rien à voir comme un système industriel avec des chaînes de production et des automates. Le deuxième point intéressant, c'est l'applicabilité en conditions réelles, parce que quand on fait de la recherche sur des jeux de données standardisés, des jeux de données de laboratoire, c'est parfois difficile de passer sur les conditions réelles. Et pour ça, la chaire travaille depuis plusieurs années sur une plateforme de simulation qui permet de créer des environnements représentatifs de ce qui existe en entreprise avec les mêmes technologies et les mêmes composants. Et pour nous, ça nous permet de valider des hypothèses sur nos algorithmes. À plus long terme, l'objectif, ça va être de créer une sorte d'observatoire collaboratif des menaces cyber et qui permettrait d'enrichir des systèmes de détection locaux pour les entreprises ou pour les organisations. Mais là, on dépasse l'échéance de ma thèse. Merci beaucoup Léo Lavore pour la présentation de vos travaux. Une réaction rapide à ces travaux, Xavier Lavessière. En fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment tout ce qu'on est capable d'envisager en termes de recherche dans ces nouvelles approches qui permettraient notamment d'éviter de concentrer des données et d'avoir des nouveaux modèles. Mais comme ça a été bien dit, hein, c'est clairement aujourd'hui du stade de la recherche et on ne peut pas imaginer des applications immédiates. Il nous reste pas beaucoup de temps avant la conclusion de cette émission. J'aimerais vous poser une question pour finir, Benjamin Bayard, Xavier Lavessière, à propos de ce Web 3.0. On a entendu ce que vous disiez tout à l'heure, Benjamin Bayard, à propos des vertus possibles de cette nouvelle structure et de ces nouveaux outils, l'absence de tiers de confiance, une démocratie numérique distribuée, etc., etc. L'expérience, l'histoire nous montre que ces intentions louables qui ont présidé au Web 1 ou Web 2 ont été détournées par des sites marchands, par des sites commerciaux que l'on connaît aujourd'hui, qui ont concentré, qui ont dévoyé un peu l'esprit initial de partage. Est-ce que c'est le sort qui attend ou qui a déjà peut-être commencé à frapper ce Web 3, Benjamin Bayard ? Probablement. Probablement pour une raison très simple, parce que ce sort, il n'est pas lié à des technos, il est lié à nos structures humaines. Il n'y a rien qui laisse penser qu'on va sortir du capitalisme moderne, il n'y a rien qui laisse penser qu'on va sortir du capitalisme de surveillance et des techniques de technopolis qui se mettent en place ces dernières années. Et donc ça va probablement finir sous la même forme, c'est-à-dire des systèmes techniques très avancés de blockchain, mais qui sont aux mains de quelques acteurs qui refusent de partager leur savoir-faire, qui s'arrangent pour rester entre eux. Donc il y a des chances que ça donne ça, mais pas pour des raisons techniques. C'était pas pour des raisons techniques déjà la fois d'avant. Hein. Donc comme on n'a pas changé le problème sous-jacent qui fabrique cette hyper-concentration, ouais, il y a un gros risque que ça finisse comme ça. Xavier Lavessière, votre sentiment à ce propos ? Oui, je suis globalement d'accord. Peut-être que ce qu'il faut distinguer, ce qui est important, c'est quand on parle de décentralisation, de ces nouvelles opportunités, il faut bien distinguer ce qui est la technologie. Donc c'est évident qu'on a des technologies qui permettent de faire des choses plus décentralisées, mais les questions de gouvernance sont loin d'être résolues. Et donc typiquement, il y a toute une expérimentation aujourd'hui avec des organisations décentralisées pour arriver à aboutir à des décisions collectives qui est encore très émergent. Et puis cette question économique, aujourd'hui l'investissement, c'est des grands capitaux risques qui ont déjà financé le Web 2. Un point important là-dessus, c'est que pour moi l'enjeu, si on est un peu concret, c'est comment se positionnent l'Europe et la France par rapport à ça, puisque on parle de l'individu, mais ça se joue au niveau politique. Alors heureusement, on a des organisations en Europe et en France qui travaillent là-dessus, hein, comme la DAN ou la Crypto Initiative européenne. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à profiter de ce changement d'outils techniques pour réorganiser un petit peu le contrôle sur le fonctionnement d'Internet et les rapports de force économiques sur l'économie numérique. Et aujourd'hui, on n'en prend pas tout à fait le chemin. Jean-Marc Bayard, vous partagez cette analyse ? Oui, cet espoir en tout cas d'une possible reprise en main institutionnelle. En fait, j'ai aucun espoir du côté technique, parce que c'est pas là que ça se joue. J'ai des espoirs sur des questions institutionnelles et juridiques et des histoires de protection des libertés, de protection des droits et de protection des personnes. Il y a énormément de signaux négatifs là-dessus en permanence, et puis de temps en temps, il y en a quelques-uns très positifs, une fois de temps en temps. Il y en a quelques-uns en ce moment, il y a les prises de position au niveau européen sur l'incompatibilité entre le droit américain et le droit européen, parce que le droit américain permet une surveillance systématique. Voilà, ça, c'est des pistes un peu positives, qui vont dans le bon sens, donc plus côté social que côté technique. Puis c'est bien de terminer par une petite note positive tout de même. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de ce Web 3. Merci Benjamin Bayard, merci Xavier Lavessière d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Émile Naguette, Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, François Richet à la réalisation, Félix Delacour à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.